Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la guerre d'Indochine. En 1952, quand je suis arrivé en Indochine, alors j'ai vu la guerre. Alors là, ça a été un grand choc, parce que je voyais les morts causés par l'armée de terre et mon ancienne armée de l'air, les destructions, les cadavres, les villages brûlés. Il m'a semblé que tout à coup, nous étions les nazis de l'Indochine. L'écrivain Jules Roy, ex-officier et colonel de l'armée française à l'émission Entretien en 1976, Jules Roy est à ce point dégoûté par ce qu'il voit en Indochine qu'il décide de démissionner de l'armée française peu de temps après être arrivé en Indochine en juin 1953. La guerre française en Indochine sera dure, très dure. On va parler de cette guerre comme d'une sale guerre. Et cette guerre qui va se dérouler de 1946 à 1954 sera une sorte de prélude à la guerre américaine au Vietnam. Et dans les deux cas, le résultat sera le même, la France et les États-Unis se casseront les dents au Vietnam. C'est peut-être ça la jeunesse, croire que le monde est fait de choses inséparables, les hommes et les femmes, les montagnes et les plaines, les humains et les dieux, l'Indochine et la France. L'Indochine, c'est quelque chose qui n'est pas réel, c'est un mot. C'est un mot de la langue française qu'on a collé, c'est un beau mot d'ailleurs, c'est un mot que je trouve qui fait rêver. C'est un mot qu'on a collé sur des cartes. Sur des cartes au bout du monde, il y avait des territoires qui s'appelaient Vietnam, Cambodge, Laos, on a mis Union Indochinoise Française. Mais ça ne recouvrait aucune réalité, sinon d'un désir politique de tenir ces colonies sous une seule appellation. Donc oui, dans ce sens-là, c'est un mythe. Et puis c'était, au-delà d'un mythe, c'est quelque chose de très violent, de très fort, parce que quand j'étais enfant, on était en pleine guerre d'Indochine, on était près de la défaite, et je me souviens que c'était la une des journaux, c'était tout le temps la radio, les nouvelles de la guerre d'Indochine, il y avait des débats, il faut garder l'Indochine, il faut se battre pour l'Indochine. Et à un moment, vous dites, mais se battre pour quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Qu'est-ce qu'il y a sous ce mot-là? Et c'est quand même, et le pouvoir et la puissance et le bénéfice des richesses du pays était quand même, pour la France, pour la métropole, ça ne pouvait qu'exploser. Régis Varnier, le réalisateur du film Indochine, à l'émission Double Expresso en 1992, pour nous raconter la guerre d'Indochine et le contexte dans lequel elle survient. Je reçois l'historien Éric Dussault. Éric Dussault, bonjour. Bonjour, Jacques. La guerre du Vietnam, elle a, on le sait, profondément marqué l'imaginaire collectif américain. Les Français, qu'est-ce qu'ils gardent de cette guerre d'Indochine qu'ils ont vécue avant le Vietnam américain dans leur mémoire collective, Éric Dussault? Une excellente question. Elle est fondamentale. Et je vais utiliser les travaux de mon collègue historien Benjamin Stora pour répondre, qui parle d'une guerre engloutie dans la conscience française. Engloutie pourquoi? Parce que, évidemment, par la suite, il y a la guerre d'Algérie. Oui. Et la guerre d'Algérie est venue un peu comme effacer ce qu'il y avait en dessous en raison des traumatismes liés à cette guerre-là. Alors que l'Algérie, c'est aussi un traumatisme, mais différent, on va y revenir. On parle de la terrible défaite, de la défaite traumatisante, humiliante. Oui. Hein? C'est une vraie humiliation pour la France. Mais étonnamment, la population française de l'époque ne semble pas comprendre ce qui se passe. Donc une guerre qu'on a voulu oublier, en gros. Qu'on a oublié aujourd'hui en France. Par ailleurs, les recherches historiques, les historiens ont voulu faire leur travail, mais il faut savoir qu'on avait des archives à la fois politiques et militaires qui n'étaient pas accessibles pendant longtemps. Là, les fonds d'archives s'ouvrent et il y a aussi des fonds privés, hein, des individus qui versent leurs archives, alors la parole se libère. Ouais. Il y a aussi des témoins qui témoignent, ce qu'on appelle l'histoire orale. Et pour terminer, ça c'est mon opinion personnelle, je pense que la complexité de la guerre d'Indochine ouais. peut en partie justifier peut-être cette mémoire un peu absente ouais. dans la conscience française. Alors avant de s'attaquer à l'histoire de cette guerre, revenons quand même un peu en arrière pour voir à quand remonte et quel type de forme prendra la présence française en Indochine. Les Français arrivent quand et ça ressemble à quoi cette présence française en Indochine? La présence française en Indochine s'est associée en général à une date 1880. Donc, on est dans le 19e siècle et on appelle ça l'Union indochinoise française qui est constituée de quoi? Le Vietnam, qui est divisé en deux parties à ce moment-là, deux protectorats le Tonkin et ce qu'on appelle la Nam. Il y a aussi une colonie, la Cochinchine, et on ajoute à ça le Laos, le Cambodge, qui sont des protectorats. Ouais. Et on termine avec un territoire chinois qui s'appelle le Quang Chiu Wan, qui lui aussi est greffé à tout ça. Donc, votre intervenant tout à l'heure qu'on a entendu avait raison. C'est une création de toutes pièces, ouais. Mais on l'a vu aussi en Afrique. Création on politique. Prend un désert, on le coupe en morceaux, puis on fait des pays avec ça. Donc, c'est vraiment une constitution de toutes pièces que la France crée, ouais. Et s'approprie ces territoires-là. Je le rappelle, soit sous protectorat, soit sous colonie. Ouais. Et il y a une autorité supérieure qui est le gouverneur général qui siège à Hanoï et c'est lui qui s'occupe de tout ça. Ouais. La Seconde Guerre mondiale va tout changer dans cette histoire de la présence française en Indochine. C'est ce qui va mener éventuellement à la guerre d'Indochine. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle devient, cette Indochine française, durant la Seconde Guerre mondiale? Bien, juste avant la déclaration de la Deuxième Guerre, on appelle encore l'Indochine une des pièces maîtresses de l'Empire colonial, une perle, c'est vous dire l'importance que ça a dans la conscience malgré tout. Et en 1940, on le sait, la France donc perd la guerre et l'Allemagne va occuper une partie du territoire et sinon va compter sur un gouvernement collaborationniste. Eh bien, ce gouvernement de Vichy va à son tour collaborer avec les Japonais parce que les Japonais sont en sol indochinois depuis les années 1937. Ils sont sur place. Les Japonais vont piller, comme les Français l'ont fait avant eux, toute la riziculture, l'artisanat, le réseau routier, ferroviaire, les plantations d'arbres de caoutchouc, les petites industries, les entreprises minières. Donc, le Japon, on sait ouais. qu'il est toujours en manque de ressources premières, va utiliser ce territoire-là. Et ça nous place déjà dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, le Japon qui fait front avec l'Allemagne, avec l'Italie d'un côté, les Français qui sont avec les forces alliées de l'autre. Et donc, un nouveau revirement se prépare. Avec la libération de la France, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Là, vraiment, ça va se bousculer. En fait, c'est pas tant un revirement que... Ben, c'est ce qui va conduire à l'indépendance éventuellement, mais c'est ce qui va, dans un premier temps, renforcer la présence japonaise en Indochine. Ça va se passer le 9 mars 1945. C'est une date importante. On assiste ce jour-là à un coup de force du Japon, un coup de force à partir duquel, vraiment, les événements vont se précipiter. Mais tout l'Empire n'est pas libéré encore. L'Indochine, vendue par Vichy, vient d'être volée par Tokyo. Elle sera reconquise un jour, et près d'Alger s'organise déjà le corps expéditionnaire destiné à cette tâche impériale. La guerre ne sera pas finie tant que tous les voleurs de territoire n'auront pas été châtiés. Một dân tộc đã gan gốc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay. Un peuple qui s'est obstinément opposé à la domination française pendant plus de 80 ans, un peuple qui, durant ces dernières années, s'est décidément rangé du côté des Alliés pour lutter contre le fascisme, ce peuple a le droit d'être libre, ce peuple a le droit d'être indépendant. Pour ces raisons, nous, membres du gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam, proclamons solennellement au monde entier, le Vietnam a le droit d'être libre et indépendant, et en fait, est devenu libre et indépendant. Ho Chi Minh proclame l'indépendance du Vietnam le 2 septembre 1945. Que se passe-t-il donc, Éric Dussault, entre le 9 mars 1945, le jour où l'Indochine est volée par le Japon, pour reprendre l'expression utilisée dans ce vieux film des actualités françaises qu'on entendait, et le 2 septembre 1945, jour de proclamation de l'indépendance par Ho Chi Minh? Bien, il faut rappeler donc que les Français reviennent en Indochine après la guerre. Après ça, les Japonais prennent le territoire encore une fois. Après ça, Ho Chi Minh, le 2 septembre, décide de proclamer l'indépendance et de renverser l'empereur que les Français avaient installé là, qui s'appelle Bao Dai. Alors, c'est toute la stratégie française qui s'effondre à ce moment-là et aussi les derniers restes de la puissance colonisatrice japonaise, si on peut dire, là, qui doit quitter. Le Japon qui a capitulé. Exactement. Oui, exactement. Le 2 septembre 1945, c'est la capitulation du Japon. Tout à fait. Aussi. Voilà. Alors, à ce moment-là, Ho Chi Minh va profiter de cette situation-là. Pourquoi? Parce que même avant l'arrivée des Japonais, il y a déjà de la famine, les gens ont faim, il y a une augmentation des prix pour la nourriture, notamment le riz, qui est à la base, évidemment, de l'alimentation là-bas. Et on va profiter du fait que Ho Chi Minh est puissant dans les campagnes, donc ces rebelles, ces gens qui souhaitent l'indépendance, qui sont nationalistes, qui souhaitent que l'Indochine disparaisse pour faire place à donc un Vietnam indépendant, on va finalement profiter de cette colère paysanne pour acquérir le pouvoir. Oui. On va traditionnellement dire que les Français sont puissants en ville, contrôlent les routes urbaines, alors qu'en campagne, c'est beaucoup Ho Chi Minh. Mais il faut faire attention, il y a aussi une guerre civile là-dedans, parce qu'il y a des communistes nationalistes représentés par Ho Chi Minh, mais il y a des nationalistes non communistes. Alors, on s'affronte aussi entre nationalistes communistes et non communistes là-dedans. Oui. Donc, il y a une guerre avec le colon français, mais il y a aussi une guerre intra-vietnamienne, si je peux dire. Et Ho Chi Minh, on peut le dire, c'est pas exagéré, c'est le père de l'indépendance du Vietnam. C'est quelqu'un qui va être très, très important, Ho Chi Minh. Oui, puis c'est ironique parce qu'il a été formé en France à partir de 1911. Il étudie en France. 1917, il est déjà très actif politiquement. D'ailleurs, il a contribué au célèbre congrès de Tours en 1920 où le Parti communiste français apparaît. Il va ensuite fonder le Parti communiste vietnamien en 1931 et 10 ans plus tard, il crée une organisation politico-militaire qu'on connaît, là, donc sous le nom, on parlait d'Ho Chi Minh, mais il y a aussi le Viet Minh, c'est le nom de cette organisation politico-militaire, et c'est lui qui la fonde. Donc, il est vraiment incontournable. C'est quelqu'un qui a une énergie folle, qui a vraiment un projet très clair dans sa tête, et il a été dégoûté par les façons de faire précédentes. Il ne croyait pas que la façon de faire plus pacifique pouvait solutionner le problème vietnamien, alors il décide d'utiliser des moyens violents. Et dans cette espèce de tiraillement et de tension qui divise le peuple vietnamien dont vous nous parliez, c'est lui qui remporte la mise. Il réussit donc à convaincre les Vietnamiens, une bonne partie d'entre eux, de le suivre. Et donc, proclamation d'indépendance le 2 septembre 1945. C'est un an plus tard, à peu près, un peu plus d'un an plus tard, le 19 décembre 1946, que commence officiellement la guerre d'Indochine. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là, Éric Dussault? Bien, on fait peut-être revenir juste un petit peu en arrière. C'est que le 6 mars 1946, la France a reconnu le Vietnam comme État libre à l'intérieur de l'Union française. Oui. Donc, il y a une petite tentative française d'essayer de lâcher du lest, mais pour Ho Chi Minh, c'est trop peu, trop tard. Et c'est à ce moment-là, donc le 19 décembre 1946, qu'il y a ce qu'on considère être normalement un massacre de Français. Mais il faut savoir là, qu'il y a toutes sortes d'événements là, qui surviennent. Mais l'élément déclencheur officiellement, c'est celui-là, des Français qui sont massacrés. Et là, ça déclare officiellement ce conflit entre la France et l'Indochine. C'est vraiment un jeu de domino. Massacre à Hanoï, qui était une réponse à une attaque du 23 novembre où des milliers d'Indochinois sont morts, qui était elle-même, donc, cette attaque, une réponse à une fusillade du 19 novembre, quelques jours précédents, où là, il y avait eu des morts français. On est dans cette dynamique-là. C'est une escalade. Ouais. Voilà. À quoi ça va ressembler, une fois que c'est parti, cette guerre d'Indochine, à quoi ça va ressembler concrètement sur le terrain? Terrible. Écoutez, entre 1946 et 1954, c'est 8 ans de guerre. Les deux guerres mondiales réunies, c'est 8 ans. Alors imaginez-vous, là, la guerre d'Indochine, c'est ça. Guérilla généralisée, c'est une guerre révolutionnaire. L'ennemi est partout. Les Français ne savent plus où donner de la tête. On est dans des rizières, on est dans quelque chose qui ressemble à une jungle. L'insécurité est permanente. On connaît le terrorisme aujourd'hui, la crainte que ça suscite chez nous. Imaginez, c'est la même chose en Indochine. Les Français ne savent jamais quand est-ce que ça va sauter. Et c'est ça la stratégie. Stratégie d'usure. C'est une guerre d'usure. C'est ça le but. Guerre d'usure pour provoquer la répression très forte des Français. Parce que si les Français sont piqués à vif, ils vont vouloir réagir avec violence et la violence française va encourager les nationalistes vietnamiens, évidemment, qui vont pouvoir s'appuyer sur cette colère-là de la population vietnamienne qui va voir les Français leur taper dessus encore plus. Oui. Qui se bat pour la France dans cette très lointaine Indochine, Éric Dussault? Qui se bat pour la France? Premièrement, la priorité, c'est de constituer une armée vietnamienne. Donc là, c'est particulier, on est la puissance coloniale, puis on veut prendre des Vietnamiens et les faire guerroyer à l'intérieur de notre clan. Contre leurs frères. Déjà, c'est problématique. Il y aura la même chose avec les Harkis en Algérie plus tard. Il y a les légionnaires surtout, et ça, c'est assez incroyable. Il y a des Allemands, il y a des Maghrébins, donc d'Afrique du Nord, mais il y a beaucoup d'Afrique noire là-dedans, de représentants de l'Afrique noire. 53 % des troupes françaises en 1947 sont d'Afrique noire. Ça monte à 76 % en 1954. Donc, ça veut dire que ce sont des gens de l'extérieur de France qui viennent de d'autres colonies, qui sont intégrés aux troupes françaises et qui vont payer de leur personne, puisque que des deux côtés, ça, c'est 100 000 hommes et plus. Avec le recul, il y a beaucoup de morts. Qu'au temps de coloniaux, entre guillemets, d'Afrique, oui. entre autres, aillent combattre pour la France contre une autre colonie en Asie. Parce que ce ne sont pas des engagés. Hein. Dans ce cas-là, ce n'est pas du tout la même situation. De ce côté-là, il y a une différence entre l'Algérie et l'Indochine. Ouais. Voilà. Comment elle est perçue, cette guerre? C'est loin, l'Indochine. On l'évoquait un petit peu au tout début de l'émission. Les Français n'ont peut-être pas, au moment où cette guerre-là se produit, saisi toute la complexité de la chose. Comment elle est perçue, cette lointaine guerre d'Indochine, par les Français au moment où la guerre a lieu? La réponse, Jacques, c'est l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure du film Indochine, où on entend Catherine Deneuve, si je ne me trompe pas, dire ben, l'Indochine, c'est comme plein d'autres choses. On pensait que ça allait toujours durer. Ouais. Et c'est ce que pensent les Français en 1946. Évidemment, l'opinion publique va évoluer au fil du temps, mais les historiens s'entendent pour dire que c'est assez proche de l'indifférence, cette attitude ouais. française à l'égard de l'Indochine. C'est loin, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et c'est probablement après 1954, après la bataille de Dien Bien Phu, que là, on prend conscience ouais. de l'ampleur de la chose. Si cette guerre-là, on l'a vu, elle est étroitement associée à la dynamique de la Seconde Guerre mondiale, de la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand elle aura cours de 46 à 54, cette guerre-là, elle sera contaminée, entre guillemets, par l'esprit du temps, qui est l'esprit de la guerre froide. Quel genre d'effet ça va avoir sur la guerre d'Indochine? Très, très, très important, cet aspect-là, parce que on le sait maintenant, l'URSS et la Chine ont financé, ont aidé les troupes Viet Minh, évidemment. Et du côté français, c'est les États-Unis qui ont aidé. Jusqu'à 80% des coûts de la guerre viennent des poches américaines, qui critiquent d'ailleurs l'incompétence française, désorganisée, et puis les résultats très, très moyens, c'est le moins ouais. qu'on puisse dire du côté français. C'est vraiment le Vietnam avant le Vietnam pour les Américains. Et c'est étonnant de voir 80 % de la somme, ça devient une guerre américaine. Les Français perdent le contrôle. Et en plus, pour avoir l'argent qu'ils exigent, ils doivent se soumettre aux impératifs américains. Alors, on parle d'une américanisation de la guerre d'Indochine, surtout après 1950. Ouais. On revient sur la guerre comme telle. On oui. disait que c'est une guerre qui est sale, c'est une guerre de guérilla. C'est comme ça que ça va se dérouler sur le terrain, très, très concrètement, cette guerre-là. Il y a dans toute cette guerre une bataille qui va être marquante, emblématique même de ce que sera cette guerre d'Indochine, qui va être un tournant dans cette guerre d'Indochine, et c'est la bataille de Dien Bien Phu. On écoute à nouveau l'écrivain et ex-officier de l'armée française Jules Roy, cette fois à l'émission Le sel de la semaine, en janvier 1970. Nous nous battions contre des forces morales d'un peuple très pauvre, et ces forces morales ont prévalu. Non seulement nous ont tenus en échec, mais à Dien Bien Phu, une armée moderne, dotée de matériel moderne, parce qu'on en avait à ce moment-là, avec des moyens puissants, multipliés, extrêmement nombreux, avec des moyens de feu considérables, a été battue et écrasée sur son propre terrain avec des moyens matériels plus considérables. Encore, qui avait été transporté à bicyclette ou à dos d'homme ou tiré comme les canons dans la montagne, à dos d'homme et caché. Nous avons donc été battus et la bataille de Dien Bien Phu a ébranlé le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe lors de cette fameuse bataille de Dien Bien Phu, Éric Dussault, et pourquoi cette bataille-là est si importante? Bien, premièrement, on ne l'a pas dit, là, mais les Américains sont engagés à 80 % au niveau du financement parce qu'ils ont peur de la contamination du communisme. Hein. En 1949, la Chine est passée entre les mains de Mao, donc devient communiste. Il y a la guerre de Corée qui débute en 1950. La théorie des dominos s'applique là, oui. dans la mentalité de l'époque. Donc, pour éviter que le communisme se répande partout, et surtout en Indochine, c'est pour ça qu'on déclare cette guerre. Et surtout, la bataille de Dien Bien Phu, c'est vraiment là, l'élément central. On veut à ce moment-là s'assurer que l'Occident l'emporte. Mm-hmm. Mais, vous l'avez entendu, les moyens sont dérisoires. Par contre, la stratégie est super efficace. Les Vietnamiens ont, à l'insu des avions de surveillance et des bombardiers de l'armée française, réussi à construire un système routier qui leur a permis, en fait, le 13 mars 1954, de mettre la main sur Dien Bien Phu. Alors que les Français y avaient construit ce qu'on appelle une forteresse. En fait, c'est une base aéroterrestre qui était considérée comme imprenable. Ouais. Et eux vont réussir à s'emparer de ce territoire-là. Mais à quel prix? Horreur, souffrance, douleur, froid, faim et surtout le napalm. Ouais. Les Américains ont utilisé le napalm, ils l'ont développé et les pauvres Vietnamiens ont reçu ça sur la tête durant cette guerre terrible qui est épouvantable, ouais, des deux côtés d'ailleurs. Hein? Donc, c'est pas à Dien Bien Phu que se termine la guerre, mais c'est sûr que cette défaite-là, elle est forte symboliquement et elle ébranle profondément les politiques à Paris, le pouvoir politique français. Elle dure deux mois, vous imaginez, c'est ouais, long là, comme bataille. Et donc, c'est, même si ce n'est pas là que ça joue, c'est ce qui va quand même être l'élément déclencheur et qui va sceller l'issue de la guerre d'Indochine en Europe, à Genève. Oui, parce que là, perdre une bataille, ce n'est pas perdre la guerre. Alors là, le nouveau président du Conseil français, en juin 1954, vous le connaissez peut-être, Pierre Mendès-France, va aussi avoir la responsabilité des affaires étrangères et c'est lui qui va se rendre à la conférence de Genève et qui va négocier en secret pendant un mois, puisqu'il y a déjà eu un mois de négociation, mais lui prend la relève et lorsqu'il prend le pouvoir, il promet aux Français de régler la question en 30 jours, sinon il démissionne. Et il réussit puisque dans la nuit du 20 au 21 juillet 1954, un mois après avoir été nommé comme président du Conseil, il obtient ce qu'il voulait. Comment il y est parvenu? Premièrement, en négociant avec des représentants Viet Minh et aussi en discutant avec des représentants de la Chine, parce qu'on l'a dit, la Chine est importante là-dedans. Alors, le résultat de ça, c'est assez simple, en fait. C'est que les Français doivent quitter, après la signature des accords, je l'ai dit, 20-21 juillet 1954, dans la nuit. Et surtout, le 17e parallèle, ça devient une frontière au Vietnam. Le nord et le sud sont désormais séparés, et on le sait, ouais, il y a une république dite démocratique du Vietnam qui va être dirigée par Ho Chi Minh, qui va apparaître, et puis l'autre, ce sera la République du Vietnam. Et ce résultat-là, cette entente-là, évidemment, va ouvrir la voie aux Américains qui n'acceptent pas cette présence communiste. On y revient dans une partie du Vietnam, et ce sera le début de cette autre guerre à laquelle on a déjà consacré une ou deux émissions, la guerre du Vietnam, la guerre américaine du Vietnam. Un tout petit mot pour boucler la boucle. On parlait de ce qui reste de cette guerre d'Indochine dans la mémoire collective française. Au début de l'émission, Éric Dussault, on l'a dit, c'est une guerre qui a été un peu oubliée. En même temps, il y a eu des traces assez proches de nous. Oui, il faut attendre 1993 pour que François Mitterrand, président de la République, admette que c'était une erreur, cette guerre-là. Il faut attendre à mai 2005 pour que le président Jacques Chirac décrète une journée nationale d'hommage aux morts. Ouais. C'est à chaque 8 juin. Et finalement, dans la conscience collective, les commémorations en lien avec cette guerre-là et l'ouverture des archives va peut-être permettre d'en savoir plus. Là. C'est ce qu'on souhaite. Éric Dussault, historien, ami de l'émission, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.